Même les étoiles, c'est plutôt une sorte de base de données qui est elle-même basée sur des ressources dont que nous avons ou que nous essayons d'obtenir. Et finalement, ça fonctionne de façon thématique. Et donc, c'est, je dirais, même les Hathouak essayent d'instruire, au sens littéral du terme, certains dossiers sur lesquels on travaille et qui sont relatifs à l'histoire proche de ce pays. Et pourquoi je dirais à l'histoire proche et non pas à la guerre? Parce que oui, bien sûr, on a commencé par s'intéresser à certains sujets relatifs à la guerre, fosse commune, disparue, voiture piégée, assassinat politique, attentat. Là. Bon, puis petit à petit, dans une sorte de révision que nous avons commencé de faire à partir de 2012, on tend beaucoup plus à traiter, disons, des sujets d'actualité dans une perspective historique. Enfin, par exemple, on a mené un très long travail sur la cour militaire, mais non pas d'un point de vue strictement, disons, Législative, administrative, formel, dans le formelle. sens que quelles sont les violations, mais on s'est posé la question comment s'est fait-il que cette institution a pu survivre finalement depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les changements. Qu'est-ce qui a fait que cette institution reste tellement forte et tellement ancrée et qu'elle arrange finalement tous ceux qui arrivent au pouvoir? Enfin, donc, c'est plutôt une perspective historique qu'une perspective de advocacy. D'accord. Allons changer la loi, ou bien combien Comprenons les ouais, choses. essayer de comprendre et comprendre, par exemple, comment cette, si on prend l'exemple de la cour militaire, non, finalement, est-ce que finalement elle reflète en quelque sorte l'état de guerre, je ne parle pas de, ou l'état de conflit que ce pays vit. On a de même maintenant, ou depuis un an, on mène un long projet qui essaye de saisir certains traits du discours libanais relatif aux réfugiés. Et là, on ne parle pas seulement des Syriens, on ne parle pas seulement des Palestiniens, on va jusqu'aux Arméniens, on va jusqu'aux tous, on essaie de questionner la question de l'identité nationale. Comment se fait-il que des Libanais qui se targuent qu'ils sont devenus Libanais comme des réfugiés, et donc ils ont fui vers ce pays qu'ils considèrent comme une sorte de refuge, et finalement, qui sont eux-mêmes des réfugiés, et ont une telle réaction quand il s'agit de questions de réfugiés. Enfin, donc, on C'est-à-dire, essaie. vous considérez que les Libanais qui sont. C'est pas moi qui le considère. L'un des piliers de l'idéologie libanaise, qui est surtout partagée par les maronites, par les chiites, par les druzes, c'est qu'ils sont arrivés au Liban successivement pour se protéger des oppressions qu'ils subissaient ailleurs. D'accord. Enfin, donc, vraiment, c'est l'un des piliers de l'identité nationale. Alors, bien sûr, les sunnites ont une autre approche Approche. parce qu'ils sont considérés les oppresseurs. Enfin, donc, c'est pourquoi ils ne partagent pas, disons. Mais ça fait partie, disons, d'un débat vraiment très intime et qui n'est pas seulement. D'adversité, en fait, dès le Oui, départ d'adversité, mais qui n'a de. pas seulement à voir avec le nombre de Syriens qu'on doit envoyer à l'école ou bien admettre dans des hôpitaux, ou bien. Ce n'est pas une question seulement quantitative qui va se résoudre en signant quelques chèques par la communauté internationale, qu'il y a un problème inter- et intra-libanais qui ne sera jamais résolu facilement, même s'il ne reste qu'un seul réfugié, je dirais. Enfin, donc, ça c'est le type de projet de recherche et en même temps de, disons, de documents qu'on publie sur Memory at Work. Voilà. D'autre part, depuis quelques Moi, on travaille sur une autre base de données qui, espérons, va voir le jour très prochainement et qui serait une sorte de catalogue raisonné de ce qu'on possède. Et non, vraiment, ça ne Un sera pas, inventaire. c'est pas vraiment, c'est un inventaire exhaustif dans la mesure du possible. Je ne dirais pas que ce sera toujours possible de le rendre exhaustif, parce que le rendre exhaustif, c'est vraiment catégorier article par article, ce qui est un travail fou. Mais au moins, ça va donner une idée, parfois très détaillée, parfois un peu plus générale. Et ça va s'appeler Oman Biblio. C'est déjà en ligne, mais c'est un peu invisible. Justement, j'ai pas trouvé un inventaire Non, non, c'est global. encore caché. C'est un site parce qu'on est en train. Pour le moment, c'est en arabe. Mais ça va être assez facile de le rendre dans une autre langue. Et donc, tout ce qu'on a comme. À commencer par les articles les plus simples, tout ce qui est publication périodique. Un quotidien, etc. Donc, tout ça, il y aura des listes détaillées. Tout ce qui est livre en arabe relatif au Liban. Et quand je parle livre, je parle aussi livre et opuscule. Tout ce qui a le format livre. Tout ce qui n'est pas un dépliant sera recensé aussi. Et il y aura une troisième catégorie un peu plus vague, mais qui va pourvoir une description même succincte de certaines collections. Par exemple, s'agit-il d'élections, il y aura, bon, s'agit-il du Hezbollah, s'agit-il, je ne sais pas, les plus importantes collections de photos que nous avons. Alors, je pourrais vous le montrer Oui, après. volontiers, de toute façon, vite. Et juste pour ajouter quelque part, comment bon, d'abord nous on collecte, il y a des gens qui nous approchent, mais notre fond, c'est C'est bon. ce sont les Non, non, c'est trop tôt, mais ça, c'est. ce sont les débouilleurs. Eh, qui est ça? Ce sont, Les pardon. débouilleurs. Par exemple, bon, juste pour l'anecdote, 2007-2008, il y avait encore le Carlton Hotel et elle était déjà vendue. Aujourd'hui, il y a le Carlton Residences. Et Luqman, il était en train de revenir de Hamra ici et il voit un camion avec du papier. Et c'était quelque part, c'était une partie de l'archive de Carlton Hotel qui était au dump. Comment on dit, donc, Qui était à la poubelle, à la qui était à poubelle, la. là. Et les derniers 6 camions sont arrivés ici. Et D'accord. on a un grand, bah, je ne sais pas si c'est un grand parti, mais il y a beaucoup de tonnes de Donc les papier. chauffeurs des camions ont accepté de ne pas Ouais. jeter à Ici. aux ordures. Et depuis, on est aussi devenu amis avec les chauffeurs de camions. Et par ça, on a pu sauver beaucoup des archives.